Chapitre 7e. Le lendemain, Madame de Logel décacheta une lettre ainsi conçue. « Madame, un homme que le hasard a mis en possession d'un secret compromettant pour vous aurait à vous communiquer un avis de la plus haute importance. Il vous conjure, dans votre propre intérêt, de lui accorder un instant d'entretien. » À la lecture de ces deux phrases cavalières, Madame de Logel fut non seulement choquée, mais intriguée. « J'ai déjà déchiffré quelque part ces insolentes pattes de mouche, » murmura-t-elle. « De qui tenez-vous ce papier, Mariette ?» La femme de chambre sourit. « Madame ne devine pas, c'est de Monsieur Raoul. »« Et qu'est-ce que, Monsieur Raoul ?»« Le beau brun, de l'année dernière. » « Plaît-il ?»« Cet enragé promeneur, qui nuit et jour, gardait à vue les fenêtres de Madame. »« Et quoi, encore lui ?»« Lui, toujours. » »« Il vous a confié son nom et son adresse. » »« L'impertinence est rare. » J'espérais qu'il avait renoncé à ses poursuites. Il l'a essayé, il a voyagé. Cela ne lui a pas réussi. Il vous a confié cela aussi? Non, madame, cela saute aux yeux. L'air de la rue Saint-Honoré lui est évidemment indispensable, car il est si changé, si abattu. Qu'il éprouve le besoin de se distraire à mes dépens? Ah, Mariette, j'ai bien envie de me débarrasser de ce monsieur et de ces ruses de vaudeville. Alors, madame, n'ajoute pas foi à l'existence de secrets compromettants? Non, certes, dit Aurélie avec un rire épanoui. Est-ce que j'ai des secrets, moi? Dame, qui sait? Comment, qui sait? Quelle femme n'en a un, pour le moins, un secret bien mignon? Un secret gros comme la tête d'une épingle. À la place de madame, moi, j'aurais peur. Un secret, diable, il ne faut pas laisser traîner ces choses-là. Mademoiselle Mariette. Madame, seriez-vous assez bonne pour m'épargner vos maximes saugrenues? « Oui, madame, et je cours. Où courez-vous ? Apprendre aux dénicheurs de secrets que nous ne sommes pas curieuses. Il est donc là, en chair et en os. Voilà une magnifique effronterie. C'est ce que je lui ai insinué, madame. Ah, il attend la réponse. » Avec une patience angélique. Madame de Logel se prit à songer. « Je ne jurerais pas qu'elle n'ait jamais regardé Raoul, les femmes ayant des yeux derrière la tête. » Je ne mettrai pas ma main au feu qu'elle n'avait pas regardé sa distinction et la tristesse qui lui saillait à ravir. Je ne donnerai pas mon chef à couper que cette passion tenace l'avait énormément déplu. Mais l'audace de Raoul excédait toute mesure. Elle résolut de la lui faire payer cher. « Introduisez ce monsieur, Mariette, » dit-elle soudain. La sombre est ébahie, ricana sous cap, disparut et revint pour annoncer « Monsieur Guérac de la Tournière de Fombreuse. » Raoul ne manquait pas d'aplomb. Armé du terrible secret, il s'était promis de parler et d'agir en maître. Néanmoins, lorsqu'il franchit le seuil de ce salon si ardemment rêvé, un brouillard dansa devant ses prunelles. Par un geste adorable, Aurélie lui désigna un siège et s'asseyant à son tour. « C'est bien vous, n'est-ce pas, monsieur, qui m'avez adressé ce billet ?»« C'est moi, madame. »« Vous auriez, paraît-il, un avis à me communiquer ?»« Oui, madame, en effet. »« De la plus grave importance, » ajouta-t-elle avec emphase. Raoul fit un salut. Madame de Logel se pelotonna dans sa causeuse et fermant ses paupières à demi comme une chatte qui s'apprête à griffer. « J'écoute, monsieur, » dit-elle. Or, elle était si charmante ainsi que Guérac se sentit faiblir. « Madame, » commença-t-il d'un ton mal assuré, « bien que je n'ai pas l'honneur de vous être connu, oh !» interrompit la jeune veuve, « cela, monsieur, est de la modestie pure. Est-il possible ?» s'écria Raoul. « Aurais-je l'avantage de n'être pas tout à fait un étranger pour vous ? N'en doutez pas, monsieur. Une personne de votre mérite et de votre discrétion, surtout, a beau se tenir dans l'ombre, il faut, bon gré mal gré, que l'on s'en préoccupe. » Guérac devint pourpre. « Et d'abord, » continua Aurélie, « laissez-moi vous remercier, monsieur, des 15 ou 20 échantillons de votre style que vous avez daigné me soumettre. Quand je dis 15 ou 20, peut-être y en avait-il 25 ou 30. » Mais ayant commis l'imprudence de les brûler sans les lire, vous m'excuserez si je me trompe sur le chiffre. « Madame, » balbutia Raoul déconcerté, « me permettrez-vous de me justifier ?»« Je puis vous éviter cette fatigue, monsieur. Vous allez invoquer l'irrésistible sentiment qui vous entraîne. À quoi bon ? Ce sentiment n'est un mystère pour personne. Il y a longtemps que vous en avez informé la ville et l'univers. Grand Dieu ! Qui ? Moi, madame ? Je suis incapable. » « Récapitulons, monsieur. Si par hasard je soulève mon rideau, je rencontre vos yeux immuablement fixés sur ma fenêtre à la plus grande jubilation des passants et des voisins. Si je me promène, votre cheval croise 10 fois ma voiture. Ce manège me crispe les nerfs, et mon agitation bien naturelle est interprétée de la façon la moins charitable. Au théâtre, votre lorgnette gravite autour de ma loge et la salle entière se délecte à contempler vos attitudes mélancoliques. Convenez-en, monsieur, à moins de tambouriner par les rues, que j'ai eu l'insigne honneur de vous plaire, vous ne sauriez souhaiter une publicité plus éclatante. Ah, vous êtes cruelle, madame, dit Guérac avec émotion. Est-ce donc un crime que de ressentir un amour sans bornes? Est-ce un forfait que de n'avoir pu l'étouffer? Et tenez, madame, jugez de votre puissance et de ma lâcheté. J'étais venu à vous, le cœur plein d'amertume. Je voulais... Pardonnez-moi de vous interrompre, dit froidement madame de Logel. Nous nous éloignons un peu, ce me semble, de la vie importante en question. Insensiblement, Raoul s'était enflammé. Ce dédain le glaça comme une douche. Il ne trouva plus un mot. Et quoi ? Reprit Aurélie de sa voix la plus mordante. Votre imagination vous abandonnera-t-elle à moitié chemin ? Hein, prenez-y garde, monsieur. Si vous ne m'improvisez pas sur le champ quelque merveilleuse histoire, je vais penser que la vie importante n'était qu'un prétexte ingénieux. Et s'il en était ainsi, madame ? S'écria Guérac hors de lui. Si, brûlant de me rapprocher de vous, ne fût-ce que pendant la durée d'un éclair, j'avais osé. S'il en était ainsi, monsieur, dit madame de Logel en se levant, digne et majestueuse, voici ce que j'aurais à vous répondre. J'ignore à quel monde vous appartenez. J'ignore si on a l'habitude, dans ce monde-là, de s'introduire chez une femme à la faveur d'un mensonge et de profiter de son isolement pour lui faire entendre des paroles inconvenantes. Mais je sais que vos subterfuges me blessent, que vos persécutions me lassent, et je vous prie une fois pour toutes de vouloir bien y mettre un terme. Là-dessus, elle dessina une révérence cérémonieuse et se dirigea vers la porte de son appartement. Raoul fut atterré. Puis, une réaction formidable s'opéra en lui. Il se rappela l'être ignoble que lui avait préféré cette orgueilleuse et transportée de rage et d'humiliation. « Vous me chassez, je me retire, » murmura-t-il. « Peut-être serait-ce à moi de vous crier maintenant. Prenez garde !» Aurélie se retourna. « Une menace, monsieur » dit-elle avec une hauteur suprême. « Non, madame, un avertissement. Quoi que vous en pensiez, je n'ai pas menti. J'ai votre secret. Et pour vous en convaincre, il me suffirait de prononcer un nom. » Madame de Logel haussa les épaules. « Et prononcez-le donc, monsieur, ce nom terrible. Vous le voulez ? Je vous en défie. Ce nom est Gibson. » Ce fut un coup de théâtre. Aurélie poussa une exclamation et s'affaissa sur un siège. Un voile rose envahit son visage, qu'elle cacha dans les dentelles de son mouchoir. Il y eut un long silence. Raoul, honteux de son triomphe, mais frémissant de colère et de jalousie, fit mine de sortir. « Monsieur !» balbutia madame de Logel en joignant les mains. « Quel usage comptez-vous faire de cette découverte ?»« Cela dépendra de vous, madame. »« De moi ?» Entièrement. Alors, vous vous tairez? Je me tairai, à une condition. Une condition? À moi? S'écria-t-elle, puis s'efforçant de rester calme. Et si je la rejette? Hélas, madame, la discrétion n'est pas ma qualité prédominante. Vous me l'avez reproché tout à l'heure. Quoi? Vous me couvririez de ridicule, sans pitié, sans remords? Avez-vous eu pitié de moi, madame? Une telle vengeance serait indigne d'un galant homme. Je n'en ai pas d'autre à choisir. Les honnêtes gens flétriront votre conduite. Je me soucie peu de l'opinion. Vous me forcerez à vous haïr. Oh, madame, je suis déjà si bas dans votre estime qu'il me serait difficile d'y déchoir davantage. Aurélie se mordit les lèvres. C'est bien, monsieur. Veuillez vous asseoir et m'apprendre à quel prix vous évaluez ma réputation. Raoul obéit. « Madame, » reprit-il avec tristesse, « il vous paraîtra étrange que, connaissant votre secret depuis 1 an, je persiste néanmoins à vous aimer. Le fait est, par malheur, trop certain, et je ne vous dissimulerai pas que cet amour quand même me rend extrêmement misérable. J'ai juré de m'en défaire. Or, puisque l'absence et les difficultés aggravent mon mal, je ne m'en guérirai que par une fréquentation quotidienne et sans obstacle. » L'idée est originale, si elle n'est pas flatteuse, dit madame de Logel. Mais j'avoue que je ne la saisis pas clairement. Vous allez me comprendre, madame, termina Guérac. j'ai l'honneur de solliciter la permission d'être admis chez vous 1 heure par jour pendant 2 mois. » Aurélie se dressa d'un bond. « Mais vous êtes fou, monsieur. Je n'en disconviens pas. » « 1 heure par jour ? Pendant 2 mois, oui, madame. En tout, 60 visites. C'est la dose nécessaire à ma convalescence. 60 visites ? Ah, mon Dieu, oui. Ce nombre n'a rien d'exagéré. Si vous étiez dangereusement malade, ne subiriez-vous pas volontiers 60 visites d'un docteur quelconque ? Il est vrai qu'ici, ce sera le patient qui visitera son médecin. Monsieur, votre condition est absurde, insensée, inacceptable. Est-ce votre dernier mot, madame ? Oui. En ce cas, daignez agréer mes adieux. Arrêtez ! S'écria Aurélie éperdue. Monsieur, l'alternative où vous me plongez est effroyable. Au nom du ciel, réfléchissez que pour vous accueillir dans mon intimité, vous, un jeune homme, un inconnu, c'est me compromettre sans retour. Et pourquoi donc, madame ? Je n'exige pas le tête-à-tête. Ce raffinement de supplice serait par trop barbare. Ne pouvez-vous me recevoir en présence de vos amis ? N'avez-vous pas plus d'esprit qu'il n'en faut pour justifier mon apparition parmi eux ? Puis, à l'expiration des 2 mois, je disparaîtrai, guéri ou non, et votre secret mourra dans ma poitrine. » Madame de Logel, accablée, courba son front chargé de rage. « Oh, monsieur, monsieur, soupira-t-elle, le piège que vous m'avez tendu est bien infâme. Madame, j'attends respectueusement votre décision. Eh, monsieur, suis-je libre de refuser ? N'ai-je pas le couteau sur la gorge ? Alors, madame, je vous supplie de m'indiquer l'heure de vos réceptions. » Aurélie crispa ses doigts charmants. Si ses regards eussent été des stylets, ils eussent anéanti Raoul. Pâle, les dents contractées, elle répondit d'un accent à peine perceptible. « Je suis chez moi, de 3 à 4 heures. » Guérac s'inclina profondément. « À demain, ma seconde visite, » dit-il, et il sortit.